Enfin ce soir je danse. J'aurais pas trouvé mieux qu'elle. Quelle chance. En fait c'est elle que je cherchais, qui réside dans ma tête. Pourtant hier j'ai tout fait autrement, juste l'histoire d'un moment. Ce soir on rit, on chante, ça me sans doute comprend, sentir qu'on s'aime un peu, éclaté, juste tous les deux, un pas sur l'autre, on danse. Jusqu'à minuit et rêver la fin de la nuit. Enfin ce soir je danse, j'aurais pas trouvé mieux qu'elle. Quelle chance, en fait, j'ai pas osé lui dire je t'aime. Elle n'a pas